Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous à Transmission numéro 5, la table ronde cinéphile du Passeur Critique. Je suis aujourd'hui avec mes collègues Manuel Haas. Bonjour Yves. Et Lucien Alflens. Bonjour. Voilà, et nous sommes là, moi et moi-même, Olivier Grinard. Un très bon programme cette fois-ci, puisqu'on va parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton, de Aquarius de Kleber Mendoza Filho, de Comancheria de David Mackenzie, de Juste la fin du monde de Xavier Dolan, et enfin de Fuoco Amare de Gianfranco Rosi. Donc un programme chargé aujourd'hui parce que, exceptionnellement, pas d'ordonnance du docteur Rezzo. Pour commencer, on va peut-être dire un petit mot de la cessation d'activité sur le site Le Passeur Critique. Si vous nous suivez, peut-être que vous aurez remarqué qu'il n'y a plus d'articles sur Le Passeur en ce moment. Voilà, il faut dire que Le Passeur Critique, c'est une aventure bénévole qui a été commencée il y a 8 ans. Et comme toute aventure bénévole, ça connaît des hauts et des bas. Mais on espère que ça va reprendre d'une manière ou d'une autre. Lucien et Manu et moi, on a décidé de continuer Transmission parce que c'est un exercice qui nous plaît, qui nous amuse et qu'en plus, on aime se voir et discuter des films ensemble. Est-ce qu'il y a une façon dont vous pouvez reach him? Yes. Nazi! Go, go, go! What if this whole time I've been looking for Will? I've been chasing after something else. Je vais peut-être commencer par un bref retour sur l'été. Je ne sais pas si vous avez passé un bon été cinéphile, les amis. D'habitude, l'été qui était dominé par les grosses productions américaines, cette année m'a semblé dans un marasme assez embarrassant. Tous les films, plus ou moins, ont eu une réputation assez catastrophique très vite. Je crois que le plus gros succès de l'été, c'est Le Monde de Dory. Moi, cet été, personnellement, j'ai entendu parler uniquement deux films coréens, qui sont The Strangers et Dernier Train pour Busan, et aussi de Tony Erdmann dans une moindre mesure. Hein. Je pense que le film a fait moins de bruit que ce qu'on attendait. Et puis, The Stranger Things. C'est en gros les seules choses dont j'ai entendu parler cet été. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'une ou l'autre chose dont je viens de parler. Est-ce que vous en pensez rapidement? The Stranger, c'est quand même une autre proposition que The Stranger Things. Quoi. Contrairement à Stranger Things, qui est un truc très... très dans la mouvance actuelle de, on va dire, de cinéma doudou. On revisite les Madeleines de Proust, on revisite toute une période du cinéma des années 80, un petit peu à la façon de ce qu'avait fait J.J. Abrams avec son film Super 8. Ça peut être à la rigueur un bon petit dérivatif, mais après, sinon, c'est triste en termes d'écriture. Tout à fait, mais bon, voilà, moi, j'ai quand même été assez emporté par le truc. Je trouve que les enfants jouent vraiment très, très bien. Le petit Dustin, gros sans dents, là, moi, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, je suis mort de rire. Mais là où je te rejoins, c'est sur la question de l'émotion, parce que, voilà, ce film, cette série en 8 épisodes, cette mini-série, ne crée pas vraiment, je trouve, d'émotion ni d'affect, mais c'est juste une ambiance dans laquelle, enfin, voilà, j'aime, en tout cas, me fondre, me couler. Et c'est vrai que, rétrospectivement, on se dit « Ah, toutes les références, on les connaît ». Je suis assez d'accord avec vous, mais est-ce que ce n'est pas notre point de vue de spectateur averti, ça, qui avons vu tous ces films-là? Est-ce que pour un gamin de 14 ans aujourd'hui, qui n'a peut-être pas vu tous les films que nous, on a vus, que vous avez découverts à cet âge-là aussi, est-ce que ce n'est pas une porte d'entrée intéressante pour se replonger dans ce cinéma qu'on aime tant? La porte d'entrée, elle fonctionne quand tu as vu la référence. Si tu le découvres aujourd'hui, la référence à du Carpenter, à du Goonies, etc., tout ça, tu la vois pas. Il n'y a pas l'intensité émotionnelle de ces films-là, et c'est pas parce qu'on les voit aujourd'hui et qu'on a grandi, c'est parce que les films qu'on cite mettaient les potards à fond au niveau de l'intensité dramatique. Là, c'est pas le cas, parce que c'est juste du décorum. Bon, très bien. Alors, après cette intro un peu déceptive, hein. On va replonger dans la série que sont nos héros devenus et on va parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers. because our abilities don't fit in the outside world. We live in places like this, where no one can find us. Jake, come and play. I knew you were one of us when you were born. It's time for you to learn what you can do. But I'm just ordinary. No, you're not. You were born to protect us. Promise me one thing. Look after them, Jake. I promise. Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est le nouveau film de Tim Burton avec au casting Eva Green, Terrence Stamp, Asa Butterfield et aussi Ella Purnell qui dans le rôle d'Emma, la jeune fille plus légère que l'air. Et cette fois, la musique n'est pas de Danny Elfman, c'est, il faut le souligner. C'est l'adaptation d'un best-seller de la littérature jeunesse qui est signé Ransom Riggs, le premier d'une longue série apparemment. Et donc ce film, Miss Peregrine, raconte l'histoire de Jack, Asa Butterfield, qui va... Le film est assez difficile à pitcher. Donc, qui va pénétrer l'univers de Miss Peregrine, qui possède une espèce de home pour les enfants qui sont doués de pouvoirs surnaturels. Il y a un côté très X-Men là-dedans. J'en dirai pas plus parce que c'est assez compliqué, et d'autant plus que je trouve que c'est assez révélateur d'un des gros problèmes du film, le fait que je n'arrive pas à faire un pitch convenable. Qui veut se lancer là-dessus ? Lucien, tu commences sur Miss Peregrine ? Ouais, Miss Peregrine que j'ai pas détesté, contrairement à pas mal de Tim Burton dernièrement. Je me demande même si dans sa première heure, j'ai pas vu ce que je préférais chez Tim Burton depuis une dizaine d'années, tout en prenant en compte que ça fait quand même une dizaine d'années que je n'ai plus vraiment d'intérêt pour son cinéma. Pour moi, le bas blesse à partir du moment où il quitte ce home et qu'il quitte ce mélange, on va dire, monde réel et fantastique, pour aller vers un truc où tu parlais d'X-Men tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, quoi, pour aller dans un... Moi, j'ai vu les Avengers par Tim Burton dans la deuxième heure, avec ces scènes d'action un peu ridicules, ces blagues faites directement au spectateur avec un petit clin d'œil à la clé, enfin, tous ces trucs-là. Et là, j'ai perdu le film. Après, je trouve que dans la première heure, il y a des choses qui me rappellent Tim Burton, et je pense... Moi, je connaissais pas le bouquin avant d'avoir vu le film. C'est du matériau pour Tim Burton. Peut-être le drame du truc, c'est que ça paraît écrit vraiment pour lui, mais là, ça me semble pas du tout incarné, alors qu'il y a tous les éléments qui pourraient l'être. Moi, je trouve qu'il y a un souci, c'est l'écriture de Jane Goldman, qui est une fidèle du cinéaste Matthew Vaughn, avec qui elle a écrit quasiment tous ses films, dont le X-Men First Class. Je trouve que ça marche très bien dans l'animation très postmoderne où on fait des petits clins d'œil, etc. Donc son écriture est extrêmement brillante dans ça. Mais dans le domaine de la fantasy, de cet émerveillement, je trouve qu'elle s'était déjà cassé la gueule avec Vaughn sur l'adaptation Stardust de Neil Gaiman. Et je trouve qu'on retrouve un petit peu ça. Il y a un truc, moi, que j'ai trouvé singulier, enfin que j'ai trouvé burtonien dans la première partie. Et ça faisait vraiment longtemps que je n'avais plus vu ça. Je ne l'avais plus vu filmer une banlieue avec autant d'horreur et un monde plus gothique avec autant d'émerveillement depuis Sleepy Hollow, quand même. Le petit pavillon de banlieue, le père qui regarde le match de foot, etc. On sent, dans sa mise en scène, dans l'ambiance qu'il pose assez rapidement, une sorte de d'horreur de ça que j'avais plus vu depuis fort longtemps. Bah moi, je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord. Parce que, en fait, le problème de Burton aujourd'hui, un des gros problèmes de Burton aujourd'hui, c'est que tout son univers est attendu, tout est hyper attendu. Donc, en fait, le pavillon de banlieue, pour moi, bah, ça m'a rappelé Édouard Manargent. Tout son imaginaire est devenu quelque part un cliché. Et donc, c'est un vrai problème, ça lui colle à la peau. Et selon moi, il peut arriver à se défaire de ça seulement quand il fait un truc comme Big Eyes. Mais c'est aussi parce que ça a été un très grand auteur. Oui, mais maintenant, il a du mal à se faire une nouvelle peau et son imaginaire est éculé à mort. Je préfère quand même ça que quand il se laisse bouffer à faire un Marvel estampillé Burton dans la deuxième partie du film. Donc, je préfère quand il refait du Burton en moins bien que quand il fait quelque chose qui n'est pas du tout lui. Pour moi, tout le long du film, il fait que du Burton. Dans l'aspect gothique ou moins gothique, mais c'est tout le temps du Burton. Et le problème, c'est que ça ne tient pas à la comparaison. Voilà, pour moi, il y a certains... donc tout ce qui se passe dans le monde réel, pour moi, c'est pas très bon. Quand on passe dans un monde plus fantastique, il arrive très bien, je trouve, à faire de l'exposition de ses personnages. Il y a certains moments, certaines scènes comme ça, le personnage qui met des faux cœurs comme ça dans des poupées, enfin dans des vrais cœurs, dans des poupées plutôt. Eva Green qui est pas mal, hein, parce qu'elle joue dans un registre assez poussé, enfin exacerbé, assez expressionniste, qui colle bien avec l'univers de Burton, ouais, avec le film. Qui est, pour moi, l'apparition même d'Eva Green, c'est hyper attendu. J'ai l'impression de voir Johnny Depp en fille, quoi. Mais oh, le mauvais. Mais donc voilà. Voilà, moi je trouve qu'il y a certains éclats dans le film. Il y a une certaine inspiration, je pense le bateau, la scène sous-marine, ou la scène assez effrayante avec les yeux, les bêtes méchantes mangent les yeux, etc. Il y a quelque chose d'incarné à ce moment-là. Mais il échoue complètement à faire une narration qui tienne la route sur une heure et demie et à nous intéresser à son histoire. Il y a même des séquences qui sont un peu carton. La séquence hommage à Jason et les Argonautes, sur de la techno dégueulasse, sous prétexte qu'on est dans une fête foraine. C'est quoi ce truc-là? J'essaye de draguer du jeune, donc je mets un petit peu de la techno de supermarché dessus. J'ai du mal à comprendre la démarche. Après, il y a effectivement, dans les expositions, des petits trucs réussis. Le moment où il présente Samuel Jackson dans la grotte, qui se métamorphose en passant de la lumière à l'obscurité. C'est tout simple, mais c'est assez réussi. Le problème, c'est qu'après, tu vois la créature en plein jour à la porte de la maison et le potentiel effrayant du personnage est complètement fucké à ce niveau-là. T'as en plus l'impression qu'il joue comme dans Roger Rabbit, le méchant de Roger Rabbit, en roulant des yeux. C'est pas possible, tu fais... Il y a quelque chose d'intéressant, je pense, à se poser par rapport au cinéma de Burton aujourd'hui. C'est de... En fait, son cinéma, il a toujours été... de où était le fric, en fait. Où est le monstre, voilà. Où est le monstre dans le film? Où est le monstre dans le scénario? Et ici... En fait, tous les personnages quasiment sont des monstres. C'est même des monstres qui affrontent d'autres monstres. Il y a vraiment ce côté X-Men. Ce qui fait qu'il n'y a plus de référence aux personnages normaux. Donc voilà, tout le monde est bizarre. Et donc finalement, on s'en fout un peu, je trouve. Il y a un côté comme ça. Mais je trouve qu'il y a même un aveu, moi, à la fin du film, là, quand même, la conclusion qu'on ne va pas spoiler du film et le choix que fait le personnage à la fin. T'as l'impression que délibérément, Burton te dit, il te fait l'aveu que je vais rester dans ma petite boucle temporelle, dans le même petit monde, et je vais m'y complaire. Je trouve que c'est un peu effrayant. Après, peut-être qu'il n'arrivera jamais à dépasser justement cette esthétique qui a eu cette espèce d'acmé à ce moment-là, aussi de naissance quelque part. Et voilà, à mon avis, il n'arrivera jamais à dépasser cette phase de sa créativité. Vous savez quelque chose sur cette gente? Tá querendo me botar medo. Mas é bom ter um pouquinho de medo mesmo, né? A senhora é muito teimosa. Às vezes a senhora parece uma mistura de velhinha com criança. É que eu sou uma velhinha com criança. Tudo junto. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh. Aquarius, c'est le deuxième long métrage de fiction de Kleber Mendoza Filho après Les Bruits de Récif. Il était en compétition à Cannes cette année où il n'a rien remporté. Mais Sonia Braga, par contre, qui est l'interprète principale de Aquarius, était une candidate sérieuse, en tout cas au prix d'interprétation féminine, mais elle ne l'a pas eu, à l'instar d'Isabelle Huppert d'ailleurs. Bref, Aquarius, c'est l'histoire donc de Clara. Et Clara, c'est une femme qui est au début de ses 70 ans. Et elle habite dans un vieil immeuble en bord de mer qui s'appelle l'Aquarius, qui n'est pas une boisson. Elle est toute seule à habiter dans cet immeuble puisque tous les appartements ont été rachetés, mais elle ne cède pas. Elle veut rester habiter dans cet appartement qui a une histoire, qui est intimement connectée à ses souvenirs personnels. Voilà, donc c'est un peu le combat de cette femme, la vie de cette femme et le combat de cette femme pour garder son appartement. Qu'avez-vous pensé de ce film, Aquarius, Manu? En fait, j'y allais sans trop d'attente, connaissant pas du tout le cinéaste. C'est vraiment le premier film que je découvre de lui. Et j'ai plutôt été séduit par le film, par son écriture, la manière dont, sans trop spoiler, de raconter, entre guillemets, une phase de la vie de cette femme qui a été son cancer et la façon dont elle s'est battue, le raconter par sa lutte actuelle pour garder son appartement. On ne saisit pas complètement tout de suite, mais c'est assez brillant dans son écriture, tout du long. Et après, c'est un super beau portrait de femme. Et pour le coup, une femme d'âge mûr et qui reste extrêmement désirable. Elle est vraiment appréhendée dans sa dimension sexuée. Peut-être parce que Sonia Braga est aussi une sex-symbole dans son pays. Le film joue peut-être vachement en parallèle entre son personnage et aussi ce qu'elle a incarné, ce qu'elle incarne dans le cinéma. C'est une belle découverte et un très beau portrait de femme. C'est vrai que c'est, j'ai pas vu forcément tous les films de Cannes, mais c'est assez étonnant qu'elle soit repartie bredouille pour son interprétation film. La construction du film, en effet, assez particulière. Donc, il y a un long prologue qui se déroule en 80, où on voit donc le personnage de Clara qui est dans sa trentaine. Et puis ensuite, le film est découpé en trois parties, qui, en effet, comme le disait Manu, dont le titre de chacune des parties renvoie à des événements passés de la vie de Clara, mais qui vont résonner avec ce qu'elle vit actuellement dans la revente ou la possible revente de son appartement. Lulu, qu'est-ce que tu as pensé du film, toi ? J'aime la manière dont le film se développe, sa part couche, de cette espèce de double combat, enfin de mise en parallèle de lutte pour garder son appartement, mise en parallèle avec la lutte qu'elle a eue une vingtaine d'années plus tôt, une trentaine même, contre le cancer. Et tu parlais d'une femme sexuée, désirable, malgré une ablation d'un sein. Une revendication du droit au plaisir malgré une transformation physique, quelle qu'elle soit, en l'occurrence l'ablation d'un sein. En effet, le personnage est magnifique, et notamment tout l'aspect de définir le personnage à travers des objets. C'est pas seulement d'ailleurs le personnage de Clara, mais dans le prologue, il y a un autre personnage qui est défini à travers un objet qui reste tout le long du film. Son rapport au disque, au support physique, au matériel. Il y a un côté comme ça nostalgique. Je suis pas d'accord avec le terme nostalgique. Le passé est là, s'insinue tout le temps. C'est plutôt comme si le présent était envisagé comme un reflet de la mémoire, un reflet de ce qu'il y a eu avant. C'est un combat qui est purement pour son présent et son avenir. Moi, je trouve quand même qu'il y a un côté nostalgique dans le film, dans le sens où le personnage de Clara est assimilé à une espèce d'intelligentsia brésilienne, une couche dorée de la population brésilienne, et il y a quand même un côté c'était mieux avant, parce que les nouveaux riches dans Aquarius sont présentés comme des porcs. Il y a une scène assez éloquente, hein, avec une partie qui est organisée dans l'appartement au-dessus de chez elle. Il y a quand même ce côté nostalgique de avant, on était quand même une bourgeoisie, mais on était cultivés. Là, pour moi, il y a de la nostalgie. Oui et non, il y a cette dimension un petit peu, peut-être on pourrait dire réac, mais c'est constamment court-circuité. C'est jamais une logique binaire. Contrairement à certains films dont on va parler ou qui ont souvent une construction des personnages uniquement dans la discorde ou dans l'opposition, c'est un film qui fait évoluer ses personnages constamment. Les antagonistes ont quand même une subtilité. La scène avec les enfants et le conflit qu'elle a avec sa fille, il est hyper touchant parce que tu es à la fois sur les deux personnages. Tout à fait. Il n'y a pas un qui a raison ou il n'y a pas un qui est le gros con. Même t'as le personnage de Clara, auquel on s'attache, qu'on peut adorer. À plein de d'aspérité. D'aspérité, exactement. Moi, le personnage de Clara, il m'a rappelé Isabelle Huppert dans Elle. On a deux films qui tiennent sur des personnages féminins très forts, qui sont des personnages âgés et qui, enfin, en tout cas, dans une maturité assez avancée, qui décident, qui ont une sexualité, qui décident de leur destin, qui prennent en main leur destin et qui sont, voilà, des femmes fortes, des femmes blocs comme ça, tout en sachant accepter les propositions des autres, mais qui décident de leur destin vraiment et qui le prennent en main. Elle n'a jamais peur, c'est ce qui la rend entre autres aussi fascinante et aussi badass. C'est un personnage qui relève toujours la tête, un beau personnage. Moi j'ai quand même un petit bémol sur le film, je trouve que malheureusement le film est un peu trop long. Pour moi il y a un quart d'heure, 20 minutes de trop qui du coup m'empêche d'accéder vraiment à une émotion. Je trouve qu'à la fin ça s'étire un petit peu trop, l'émotion est peut-être trop distillée je trouve dans le film. Il me semble qu'on n'a pas parlé de cette utilisation de la musique. Oui, c'est vrai que ça commence. Il y a du Queen à deux reprises. Et pour ceux qui sont allergiques à Queen, je précise que ce sont des bonnes chansons de Queen du début. Il y a beaucoup de scènes avec de la musique. La musique a vraiment une part importante dans le film, scénaristiquement pour le personnage comme dans la mise en scène, dans la manière dont c'est donné au spectateur. Il y a une scène que je trouve aussi très belle, c'est la scène avec la nouvelle compagne de son neveu. Où elle décide de mettre un disque, elle demande si elle peut mettre un disque, elle met un disque, et c'est une scène où je pense on écoute plus ou moins toute la chanson, il y a plus ou moins rien qui se dit, juste des regards qui se croisent sur cette chanson-là, et tout est dit. Mais là, il y a une communion entre les générations via la musique. Mais c'est encore un exemple d'un truc qui n'a l'air de rien, qui est tout simple, comme ça, qui est effleuré, et en effleurant, il a tout dit, il a besoin de rien de plus. Je suis d'accord avec Olivier, c'est que cet aspect de procéder par petites strates, etc., de faire avancer le récit de cette manière-là, vu qu'il recule tellement à un moment ce parallèle entre son combat d'aujourd'hui et son combat d'hier, tout prend sens vraiment complètement dans la dernière séquence, fait qu'à un moment, effectivement, on a l'impression d'un petit peu quelque chose qui stagne. Je suis assez d'accord avec ça. Juste pour souligner que vous savez qu'au Brésil, le film est interdit au moins de 18 ans et qu'il n'ira pas représenter le Brésil aux Oscars alors qu'il était un candidat tout désigné. En fait, quand ils ont monté les marches, l'équipe du film ont protesté contre la destitution de Dilma Rousseff en criant au coup d'État. C'est pas étonnant si le film est... Même si, encore une fois, c'est très léger, le film n'est pas tendre avec la société brésilienne. Quoi. Tout de suite, on va passer à un film que Lucien a proposé au programme, Comancheria de David Mackenzie. Mama, take this badge off of me. I think I got these boys figured. He's got no record. He's never been arrested. He don't fit the bill, Marcus. You may be hearing a lot of things about me and your uncle. Too dark to see. Whatever I hear, I won't believe. No, you believe it. I did all of it. Love you, Toby. Mean it. I love you too. And why in the hell did you agree to do it? Because you asked, little brother. Comancheria ou Hell or High Water. C'est le nouveau film de David Mackenzie qui avait signé avant Perfect Sense et aussi Les Poings contre les Murs. C'est un réalisateur écossais, mais cette fois le film est américain. C'est un film avec Chris Pine, Ben Foster, Jeff Bridges et Jill Birmingham, qui joue l'adjoint du shérif interprété par Jeff Bridges. Et le scénario, on le doit à Taylor Sheridan, qui avait écrit avant Sicario, et qui voit Comancheria comme le second volet d'une trilogie sur le Nouvel Ouest américain. Comancheria, c'est l'histoire de deux frères qui décident de faire une série de braquages de banque pour un motif qu'on découvrira plus ou moins au milieu du film, et qui sont poursuivis ensuite par un ranger qui est interprété par Jeff Bridges, tout en borborygme texan. Ça se passe au Texas. Et on a inscrit ce film sur les recommandations de Lulu. Donc Lulu, qu'as-tu pensé de ce film ? Allez, on va sortir les grands noms, mais j'ai pensé à Don Siegel, j'ai pensé à Peckinpah. On n'est peut-être pas à ce niveau-là, mais enfin, pour moi, c'est un vrai western comme on en voit très peu aujourd'hui, avec un sous-texte social. C'est là que je voulais mettre en parallèle avec Aquarius, avec des personnages qui luttent contre une injustice. À la différence d'Aquarius, où Clara se bat contre un système, je pense que les deux personnages de Chris Pine et Ben Foster ne se battent pas contre un système, mais se battent pour avoir la bonne place dans le système. Je suis assez d'accord avec ça. Juste, je voudrais préciser, Lucien, que ce n'est pas un western au sens strict du terme. Le film se passe dans l'époque contemporaine. Ce qui fait là aussi la force du film, c'est l'interprétation. Je trouve que Chris Pine, moi, j'ai toujours cru dans cet acteur, mais là, je le trouve vraiment, vraiment fort, vraiment bon. On s'attache vraiment au personnage, très émouvant. Voilà. Il est vraiment très bien campé, très bien dans son rôle. Là où je suis un petit peu plus mesuré sur le film, c'est que je trouve que Jeff Bridges, jusqu'à un événement... Jeff Bridges est très en relation tout le temps avec son partenaire. Le partenaire prend vraiment le dessus sur la pendant les deux tiers du film, et puis ensuite, jusqu'à un certain événement du film, Jeff Bridges va acquérir en épaisseur, quoi. Je trouve que, après son interprétation, moi, je ne suis pas super fan. Je trouve qu'il est un peu trop caricatural dans son interprétation. Mais par contre, voilà un film qui est vraiment bien écrit, quoi, avec des vrais personnages, comme tu le disais, et alors une fin super satisfaisante, quoi, où vraiment le spectateur a peut vraiment combler les vides, peut vraiment interpréter. Le spectateur a vraiment une place qui est laissée dans cette dernière séquence, qui est absolument, enfin là pour le coup, super bien joué. C'est vraiment la fin d'un monde. Il ressasse ce thème assez souvent dans le film. L'Ouest a été volé aux Indiens par l'homme blanc, et puis ensuite que les capitalistes, les banquiers sont en train de revoler cette terre de nouveau à ceux qui l'avaient déjà volée. Ce thème-là est quand même très très fort, très incarné dans le film, et c'est vraiment ce qui fait la force du film, je trouve. Et puis on est tout de suite dans l'ambiance. Le premier braquage, on voit un tag. Je crois que c'est sur le premier plan du film, il y a un mur et il y a un mouvement comme ça, circulaire, et on voit un tag où c'est marqué « Trois guerres en Irak » et pour nous, rien du tout, quoi. Et pour rebondir, tu disais que tu mettais un bémol sur Jeff Bridges. Moi, je pense que, justement, c'est aussi pour le coup lié au personnage, qui est très... très raciste. Enfin, très raciste, mais ça ouvre un recul... comique et cynique sur ce racisme latent et sur ce Texas profond. En même temps, je trouve que le film est quand même très sévère sur l'état actuel des États-Unis et notamment, il te montre une société vraiment raciste à crever où tout le monde est un racisme vraiment imprégné profondément dans toutes les couches de la société, quoi. Manu. Pour revenir juste à l'écriture du personnage de incarné par Jeff Bridges, je trouve intéressant, c'est ce côté un petit peu haut en couleur qui balance de la punchline. Ça permet aussi de désamorcer tout un aspect dont vous avez parlé, qui est présent dans le film à thèse. On parle de ça, mais aussi on fait un film de divertissement. On n'est pas dans un truc trop plombant, qui était pour le coup peut-être un petit peu, moi, le souci que j'avais dans le Sicario de Villeneuve, qui pour moi perdait vachement ses personnages. Je trouve que là, Mackenzie a l'élégance de manier les deux, la peinture des personnages et ce discours-là, sans que l'un vienne plomber le reste, quoi. C'est un pur film de genre, hyper prenant, c'est pas un pensum, quoi. Moi, j'ai envie de rebondir sur deux choses. Je pense que Mackenzie, pour moi, ses plus grandes réussites sont quand il est délimité par un genre défini. Que ce soit dans le film de prison avec les poings contre les murs, dans Perfect Sense, pareil. Je le trouve plus doué quand il est délimité par des codes d'un certain cinéma de genre. Et ça me ramène à la pensée que j'ai eue quand je suis sorti du film. C'est un classique instantané. Je me suis dit, c'est un grand film classique, comme pouvaient l'être les grands Eastwood. Il y a un truc comme ça, j'ai vu tout de suite un film classique, évident. Mais parce que c'est un film qui est clairement pensé pour le cinéma. L'utilisation magistrale du scope, cette subtilité, ou du moins cette manière de cadrer, de dépeindre les personnages par leur place dans un environnement, la façon dont il va cadrer Ben Foster et Chris Pine en train de se battre en contre-jour. Il n'a pas besoin de faire un flashback, mais t'imagines ce qui les a unis enfant. Ben ouais, moi c'est à ce moment-là que j'ai pensé à Peckinpah. Tant qu'à faire, allons-y dans les références. Moi j'y ai vu, il y a des moments en suspens, entre autres, les deux frères qui se retrouvent face à des grandes étendues comme ça. Ça m'a rappelé Man et la mer, par exemple, et l'océan. Enfin, tu vois, c'est ces moments d'arrêt comme ça, un peu en suspens dans le film, comme ça, où tu as deux personnages qui se retrouvent sans rien dire à regarder une étendue comme ça, infinie. Ils se disent rien. Il y a quelque chose qui se passe. Ça te donne aussi la respiration nécessaire à encaisser tout ce que tu viens de sentir, de voir. Pour le coup, je trouve que la balance sur la bascule sur le personnage de Bridges intervient beaucoup plus tôt. La séquence dans le motel avec son collègue, où il écluse bière sur bière. Pendant tout un temps, la séquence est montée plutôt en focal, dans un truc très serré où il les réunit dans le cadre. Et il va finir la scène en basculant, en proposant un contre-champ où il utilise tout le scope. Le collègue qui vient de se retourner d'un côté du lit, lui qui est avachi dans sa chaise, et t'as ce lit vide au milieu, et tu sens toute la solitude du personnage de Bridges. Et je trouve autant dans ce côté-là, dans cette peinture intimiste des personnages, il est hyper fort, parce qu'il te raconte par l'image, et puis au niveau des séquences spectaculaires aussi, la course-poursuite. Avec les cinq pick-up. Les cinq pick-up qui sont en train de les poursuivre comme ça en ligne. Et là, tout d'un coup, il te propose un plan, hop, et on arrête la voiture, on est en longue focale. Donc ce qui accentue la taille de ces bolides qui sont en train de se rapprocher d'eux, et Foster qui nonchalamment fait le tour du véhicule, va prendre une arme. T'as une montée en tension, il joue complètement avec tes attentes de spectateur, et la scène est spectaculaire, sans beaucoup de moyens, non plus, sans esbrouf. Il y a une épure à ce niveau-là. C'est pour moi un des meilleurs films que j'ai vus depuis le début d'année, que ce soit peut-être avec Joy, le Nice Guy, en parlant de films américains. Ou cette impression de classique instantané, mais furieusement contemporain. Tu parles des sept mercenaires de Anton Fuqua. Je n'en parle pas encore, du moins. C'est vraiment un bon film qui fait plaisir. On devrait être en droit d'attendre plus de films américains comme ça. Tout à fait autre chose maintenant, quoique on reste dans le crépusculaire, puisqu'on va parler de juste la fin du monde de Xavier Dolan. Si vous avez la migraine, prenez un petit perdolan. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Et rien depuis. La mer, si, quelquefois. Et ma sœur, que je connais à peine, qui n'avait que 10 ans quand je suis parti. Et puis mon frère. Et pourquoi avoir peur d'eux, au fond ? Ça pourrait être agréable. comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise. Qu'est-ce qui se passera ? Juste la fin du monde, c'est le sixième long métrage de Xavier Dolan qui est reparti avec le Grand Prix du dernier festival de Cannes. Juste la fin du monde, c'est l'histoire de Louis, interprété par Gaspard Ulliel, qui rentre dans sa famille après 12 ans d'absence pour annoncer sa mort prochaine. Et c'est une adaptation de la pièce homonyme de Jean-Luc Lagarce. La famille est composée de Nathalie Baye, qui joue la maman. Il y a aussi la sœur, qu'il a très très peu connue, qui est interprétée par Léa Seydoux. Son grand frère, interprété par Vincent Cassel. Et enfin, l'épouse de son grand frère, qui est quant à elle interprétée par Marion Cotillard. C'est terrible, mais il faudrait... Soit on est dans un camp aujourd'hui, soit on déteste, soit on adore... Et de détester ou d'adorer, ça rajoute de l'eau au moulin de Xavier Dolan, puisque apparemment, c'est ce qu'il a dit à son discours de remise de prix, c'est ce qui lui fait plaisir de faire des clivages. Ben, pour ce film-ci, moi je vais me ranger du côté des contres, puisque ce film il m'a profondément déplu. Certes, c'est une tentative de cinéma, de mise en scène, puisque... Il prend le parti pris de filmer à 80% en gros plan. Si on vous dit qu'il n'y a pas de plan large, c'est pas vrai, il y en a. Tout est très très serré sur les visages de ces comédiens. Ça donne un effet très très étouffant au film. C'est sans doute ce qu'ils recherchent, mais sur l'interprétation de ces comédiens, on a l'impression qu'ils ne jouent pas dans le même film quelque part. On a l'impression qu'ils sont dans une espèce de démonstration de force et qu'ils ne se répondent pas les uns avec les autres et qu'ils sont tous en train d'essayer d'avoir le plus gros morceau de steak comme ça. Il y a une direction d'acteur assez problématique. On sent toujours la source théâtrale du film. Enfin, c'est vraiment une scène à deux, puis une scène à trois, puis une scène à cinq, puis de re une scène à deux. Il y a un aspect très théâtral purement dans la mise en place des comédiens. Quand il y a un plan large, il est sursignifiant. Tout est tout le temps sursignifiant. T'as tout le monde qui est assis, et puis t'as Cassel qui fait la gueule de dos. De toute façon, il fera la gueule tout le temps. Moi, j'ai eu franchement envie parfois de partir dans le film, notamment une scène de voiture que je trouve insupportable, parce qu'on sait très très bien qu'à peine Gaspard Ulliel a eu le temps de dire une phrase que Cassel va vampiriser la scène, et alors il le fait, il s'y jette à corps perdu, il est dans une logorée comme ça, et c'est assez difficile à tenir, je trouve. Voilà. Peut-être que vous pouvez déjà rebondir là-dessus. Mon problème principal, enfin, je trouve qu'il y a plein de problèmes dans le film. Il y en a un principal, ce qui est la base du cinéma. Je ne crois en rien dans ce film. Tu croyais à Miss Peregrine ? Par exemple, il y a un truc qui m'a frappé, c'est quand ils ont dit par la parole que c'était la canicule. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il faisait chaud, quoi. Donc ça fait déjà une demi-heure de film où tu as des acteurs qui sont... Je sais pas, quand t'es maquillé comme Marion Cotillard ou comme Nathalie Baye dans le film, et que c'est la canicule, ça dégouline, quoi. Enfin, je veux dire, tu le vois, tu dois le sentir directement, dès les premiers plans, sentir qu'il fait chaud. Là, tu sens rien avant qu'on ne te le dise. Est-ce que ça varie tellement par rapport au reste des films de Dolan ? Je trouve pas qu'il y ait une grande différence entre Mommy et ce film-là. J'y retrouve les mêmes scories. Contrairement à Mackenzie, qui raconte vraiment par l'image les choses, qui fait de la narration vraiment pure par l'image, Dolan, il n'a toujours fait que de l'image très esthétique, très plastique, et de toujours construire les personnages comme des antagonistes repoussoirs qui vont tout justement éclater de manière comment outrée. Il y a une vraie souci de direction d'acteur. Par exemple, le personnage de Marion Cotillard lui donne une direction d'acteur qui est complètement monolithique, un peu comme ce qu'il faisait avec Suzanne Clément. Mamie, c'est je sais pas trop, tu es toujours le cul entre deux chaises et elle n'avance pas, elle fait du surplace. C'est extrêmement frustrant pour le spectateur et pour moi ça renferme l'acteur dans un truc. Je trouve qu'il y avait quelque chose qui marchait mieux dans certains de ses autres films qui relevaient plus du cinéma patchwork, de films qui seraient l'addition de différentes scènes qui peuvent avoir un plus ou moins d'intensité. C'est ce qui pouvait m'intéresser dans d'autres de ses films, qui ne m'intéresse plus du tout là-dedans. On est dans le beaucoup de bruit pour rien, ça parle beaucoup, ça raconte rien, ça crie très fort, mais... Non, mais là où je voulais rebondir sur ce que tu disais, Manu, c'est que ces personnages, aussi un gros problème avec ces personnages-là, c'est que c'est des personnages qui n'évoluent pas, quoi, d'un iota. Ils vont tous rester les mêmes tout le long du film, quoi. Cassel, on va avoir une espèce de révélation sur pourquoi est-ce qu'il est toujours aussi énervé et à fleur de peau. Mais à part ça, je veux dire, dramatiquement, il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe, quoi. On reste dans une espèce de, en effet, des éclats, langage vulgaire, ordurier, qu'on balance à la gueule des gens, comme si on se jetait des assiettes à la gueule. Ça brasse du vide, en fait, ce film. Alors qu'il y a un joli questionnement. Comment annoncer sa mort à sa famille ? Moi, je trouve que ça peut être un sujet de cinéma. Là, au final, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un portrait d'une famille dont je me fous complètement, alors que le constat de base, pour moi, est intéressant. Les quelques idées qui sortent du lot, pour moi, sont ratées. Cette espèce de lumière apocalyptique dans la scène finale. Sur le papier, moi, ça peut m'intéresser, une sorte de conflit familial qui, au final, n'est rien de grave, mais qui serait, en fait, juste la fin du monde et vraiment, concrètement, esthétiquement, la fin du monde à l'écran. Sauf que ça ne marche pas. Les écorchures sur le point de Cassel, sur un plan iconique comme ça à la fin. Toutes les idées qui, sur le papier, pourraient être plutôt intéressantes sont complètement bâclés. J'ai l'impression qu'il construit tout au forceps. C'est aussi prégnant dans sa manière de construire les petits moments récréatifs, sensitifs, qui sont le lot de tous ses films. Souvent, en balançant de la bande grosse dope musicale, là on se tape du Ozone avec Cléa Seydoux, qui n'ose pas trop faire sa chorégraphie sur la grosse musique pourrie. T'y crois pas un seul instant. C'est pour moi, ça me fait penser à ce que fait La Fosse dans son dernier film, où on te balance du Maître Gims pour montrer une scène de communion entre les personnages parce qu'on ne sait pas construire le reste. On balance le moment pop, et ça, pour le coup, Dolan, il a toujours fait ça. Moi, je préférerais nettement que ces utilisations de chansons, s'il les aime ou non, on s'en fout, mais soient sincères. Là, il y a un truc un peu faussement naïf, comme ça, qui rend ça extrêmement, au final, prétentieux. Il va tellement loin, il pousse tellement le curseur que ça devient risible, quoi. Pourquoi Dolan cristallise tout sur la croisette et qu'on entend à peine parler de Mackenzie qui est là aussi, Aquarius un peu plus. Ça prend une ampleur alors que c'est pas aussi versatile que ces films-là. C'est un film binaire. Là où les films dont on a parlé, que ce soit Aquarius ou le film de Mackenzie, ne le sont pas. Bon, vous aurez compris que pour Xavier Dolan, cette fois-ci, on passe notre tour. Your position. 33, yes. One. And then under. Okay, AC 52. Okay, so save your battery. I will call you back. Fuoco Amare, c'est le nouveau film du documentariste italien Gianfranco Rosi, qui a été formé à New York et qui est devenu, avec ce film, puisqu'il a reçu l'Ours d'Or au dernier festival de Berlin, le documentariste le plus primé de l'histoire du cinéma, puisqu'il avait reçu le Lion d'Or pour son précédent film, Sacro Gera. Et Fuoco Amare, c'est quoi ? Eh bien, c'est un portrait d'un lieu, on peut dire ça, je pense, de l'île de Lampedusa, cette île qui accueille des flux ininterrompus de migrants qui fuient la situation au Moyen-Orient, la situation en Afrique du Nord, et ou en Afrique noire d'ailleurs. Et il va tisser des liens entre ces migrants, les gens qui les accueillent, et aussi les habitants de l'île de Lampedusa. Il tisse des liens, il met en parallèle. On ne voit pas de lien se créer in extenso entre ces différents personnages. Et je crois que c'est, on arrive au cœur du débat, parce que ben, c'est là, c'est justement où est là, le truc de Rossi, justement. C'est est-ce qu'il les met en parallèle, il les fait se rejoindre ou pas ? Là, en l'occurrence, on ne les voit pas vraiment se rejoindre, mais Lucien, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Il y a deux personnages qui font se lier les choses, mais pour moi, le problème du film, que j'aime plutôt dans son ensemble, c'est cette mise en parallèle et ce manque d'interaction. Le médecin et la mère sont un peu les deux liants. La mère MER ? La mère MER. Entre ce qu'il filme, ce qu'il nous montre. Et ça te semble trop peu ? Ça me semble un peu trop peu. Même si. Par exemple, le personnage de. Samuel ? De l'enfant, Samuel, qui est le personnage du film, pour moi, qui est un personnage que je trouve construit. Il y a des scènes qui me font penser au cinéma comique italien des années 60-70. D'un côté un peu. Gamin de 10 ans qui est complètement névrosé, qui allège un peu le propos général du film, ce que je trouve très intéressant, mais j'aurais aimé que ce personnage s'intègre plus dans l'autre versant du film. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant et assez singulier dans l'écriture du film, de cette mise en parallèle de ce gamin en train de fantasmer une guerre en regardant la mer, et ces mecs-là qui reviennent, qui ont fui cette mer, la façon dont les mecs récupèrent ces migrants, la manière très clinique de montrer ça, ça te questionne sur ton degré d'humanité. C'est là une des vertus du film, mais tu parles de mise en parallèle, et on en parlait il y a deux minutes, ce gamin qui s'inquiète sur son avenir de pêcheur parce qu'il dégueule à chaque fois qu'il monte sur un bateau. Je trouve ça très beau, très touchant, et en même temps, j'aurais aimé qu'il y ait une confrontation plus directe entre ces deux choses-là que je ne retrouve pas, à mon sens, assez. Mais pour moi, ça fait partie du propos du film, c'est qu'il te montre une vie qui continue, une vie qui est là malgré tout sur l'île, une espèce de vie quotidienne, et il va justement avec des personnages précis, et il te montre le drame de l'autre côté, et en même temps, il faut que la vie continue malgré ce drame, et il te montre des gens qui font avec, quoi. Par exemple, au début du film, il y a une scène quand même assez éloquente où tu vois la maman qui met la table ou je ne sais quoi, ou qui fait des pâtes. Et puis à la radio, il y a encore 600 morts, noyés, machin. Et puis elle dit juste « Ah, pauvres gens !» et point. Et elle continue son affaire. Donc, en effet, je vois ce dont tu parles, Lucien, de cette espèce de manque de liant entre les deux, mais je trouve que c'est le pari théorique du film, en fait. Il y a un côté extrêmement théorique au film qui dit ça va marcher, je vais montrer des choses qui sont a priori disparates et l'ensemble va créer un sens. T'as créé un sens avec les coups de feu vers la mer, mais je pense que des espèces de rimes comme ça, entre les séquences dans le film, on peut en trouver des tonnes. Et il t'impose pas une thèse ? Il évite le piège d'enfoncer une porte ouverte vis-à-vis de la problématique. Après, moi, j'ai un petit problème quand on parle d'écriture du film, c'est que par moment, il y a quand même une volonté tellement à moins de limite de construire certaines séquences comme de la fiction. Pour moi, qui questionne l'artificialité du processus, et je trouve pas que c'est le moment de le poser à ce moment-là. Et en plus, je trouve ces séquences les moins intéressantes du film, quoi. Il est obligé de mettre des espèces de rustines parfois entre ces séquences, entre les la vie de l'île et la vie du quotidien sur l'île et ce qui se passe avec le drame des migrants. Il est obligé parfois de mettre certaines rustines, et il y a notamment en effet une avec la radio qui est un peu problématique, mais franchement c'est pas vraiment dommageable. C'est que le film se construit vraiment sur un fil vraiment très ténu, et il est obligé ou en tout cas il recourt parfois à quelques chevilles qui sont un petit peu questionnantes, quoi. Ok, alors on passe tout de suite au conseil. Ben oui, parce que pas d'ordonnance aujourd'hui. Malheureusement, le docteur Rezo a trop de travail, il a trop de fous sur les bras. Il faudra un jour révéler qu'il est réellement docteur. Mais Manuel, qu'est-ce que tu as ramené dans ta besace aujourd'hui ? Et alors, dans ma besace, pour changer, ça ne sera pas une série à vous conseiller, ça sera plutôt un livre, un bouquin qui a tardé à traverser l'Atlantique et enfin paraître en langue française, qui est Making Movie de Sidney Lumet, qui parle en à peu près 200 pages de sa pratique du cinéma. Et c'est vraiment un bouquin passionnant. Et donc, il va sortir dans les jours qui viennent chez l'éditeur Capricci, comme Making Movie, ça va s'appeler Faire un film, qui résume la manière très, très pragmatique de Lumet d'aborder son métier. Tout ça avec en exemple ses propres films. Lumet détaille des problématiques très concrète qu'il a eu vis-à-vis de ses films. Et c'est passionnant de voir comment il a réussi à aboutir aux films qu'on connaît. Et donc c'est passionnant parce que Lumet est un pur conteur. Ça vous apprend beaucoup sur le cinéma, ça vous donne envie de revoir tous les films de Lumet. Donc c'est une petite sortie qui va ravir nos amis qui ne sont pas anglophones. Oh, merci Manu. Lucien. Moi j'ai terminé la deuxième saison de Mister Robot cette nuit. Et donc je vais vous parler de cette série, qui est une série que je trouve peut-être plus fincherienne que le cinéma de Fincher lui-même, qui est une sorte de réinterprétation très référencée autour de Fight Club, du bouquin de Polanyi, plus que du film de Fincher, que je trouve peut-être encore plus fin dans la réflexion nihiliste autour de l'ultra-capitalisme. Et une série qui a la qualité de ne pas avancer par rebondissement, comme souvent dans les séries, mais par retournement complet de situation. La série se décale complètement et prend un angle complètement différent que celui auquel on pourrait s'attendre. Je trouve que c'est vraiment une série furieusement contemporaine. Très bien. Ben, moi, je vais parler juste du Festival du film de Gand. On va pas prendre de gants. Voilà, du festival de gants, qui est un festival dédié au giallo, où tous les gens ont des gants noirs dans les films. Non, pas du tout, mais c'est un festival de films international, et on en parle très peu, je sais pas pourquoi, mais bon. Parce que ça se passe à Gand, peut-être. Et de nouveau, peut-être parce que ça se passe à Gand, pourtant à 40 minutes de Bruxelles, et de nouveau, il y a une programmation absolument hallucinante. Pêle-mêle, je vous cite Birth of a Nation, qui a fait beaucoup de bruit à Sundance, Baccalauréat de Christian Mungiu, Home de Fintrock, In Jackson Heights, qu'on n'a pas pu voir, nous, ici, de Wiseman, I, Daniel Blake, La Palme d'Or, Jackie et Neruda, les deux nouveaux films de Pablo Larraín, A Monster Calls de Juan Antonio Bayona, Patterson de Jim Jarmusch, Personal Shopper, Sierra Nevada et Snowden de Oliver Stone. Tous ces films-là à Gand, 40 minutes de Bruxelles. Voilà, ben écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Pour ce 5e épisode de Transmission, la table ronde cinéphile du Passeur Critique. Merci Manuelas. Merci Olivier. Merci Lucien Alflans. Merci à vous deux. Et ruez-vous au cinéma, hein, comme on a détaillé pendant l'heure précédente. Il y a énormément de beaux films à voir. Voilà, à bientôt, à la prochaine.